On passe à la période de questions. J'avais mal à la tête, j'entendais des battements de cœur dans les oreilles. Après une nuit de sommeil, j'étais aussi fatigué le lendemain. Je suis allé voir le médecin pensant faire de la haute pression, mais il n'en est rien. Que se passe-t-il? Bon, c'est possible que la personne ait fait un peu d'hypertension le temps qu'elle avait mal. Hein? C'est possible que par la suite, quand elle va voir le médecin, que la tension sera devenue normale. Elle peut encore avoir mal à la tête. Ça peut être résiduel aussi de son hypertension. Maintenant, ça peut être aussi un paquet d'autres choses. Que se passe-t-il? Ça peut être c'est un peu long à expliquer parce qu'il y a énormément de symptômes physiologiques donc, qui regardent la médecine, qui peuvent créer ce genre de choses-là. Il y a aussi beaucoup de plusieurs symptômes énergétiques, évolutifs, qui peuvent aussi créer ce genre de symptômes-là. Donc, c'est trop limité. Une chose certaine, c'est que la personne ne devrait pas s'en faire. Et si ça recommence de temps en temps, la meilleure chose qu'elle aurait à faire en premier, ça serait de s'acheter un sphygmomanomètre. Qui est? Un appareil qui sert à mesurer la tension artérielle. Alors, ça se vend pas cher, ça, c'est... puis on peut acheter ça, puis c'est facile. Il y en a aujourd'hui, c'est électrique. Là, tu fais juste mettre le brassard, tu pompes la petite pompe, puis après ça, tu regardes ça là. Tu n'as pas besoin de stéthoscope, rien. Bon. Et là, ben, quand ça y arrive, elle pourrait voir. Mais encore une fois, l'inquiétude augmente la tension, ce qui fait que si on a une tension haute, puis on s'inquiète parce qu'elle est haute, ben, elle va monter encore un peu, puis etc. Bon. Une chose, par la suite, la personne, il y a plusieurs choses, ce serait très long à expliquer là, tous les phénomènes. Alors, ça peut être aussi quelque chose qu'elle a mangé quelque temps avant, ça peut être un stress inconnu, c'est pas nécessairement, qui ne créera pas nécessairement d'hypertension, qui peut créer une hypersensibilité. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait décoder là-dedans. Une chose qui est certaine, c'est que si on fait un décodage ETC rapide, là, probablement qu'il y a quelque chose dans son âme, dans sa psychologie, dans son astral, qui aimerait communiquer avec la conscience. Et la personne, elle n'écoute pas, elle ne laisse pas cette partie-là s'exprimer. Et ça, ça peut facilement donner en physiologie une répercussion comme on a là. Suite à la lecture de votre livre 7, et la connaissance de l'expérience de philosophie, comment l'humain s'adapte-t-il au niveau vibratoire et énergétique aux ermites qui traversent passé et futur? Tu lis bien mal. Oui, c'est ça. J'ai un œil qui lit plus. Et ermite, et énergétique, oui, bon. C'est ça que j'ai dit, vous avez entendu quoi? Oh là là! La queue de la cassette, Simon, va. Quand j'ai dit énergétique, ça sonnait ermite, là. Bon, par rapport aux différentes époques qu'il traverse. Il faut comprendre simplement que dans le livre La Cité de Sète, qui reste quand même un roman, donc c'est une histoire vraie romancée, on doit comprendre que les individus qui font les transferts à travers le temps sont des individus qui sont spéciaux. Ça, de toute façon, c'est visible à l'intérieur de ça. Et comment psychologiquement ils s'adaptent? Ben, c'est évident que n'importe quel être humain qui, finalement, a développé la capacité de devenir son seul maître, n'est plus influencé par sa psychologie. Et quand on fait de la philosophie, quand on étudie en philosophie, on étudie à peu près exclusivement les mécaniques d'apprentissage de la sagesse de l'ego, donc de l'astral. Et un être humain qui est son seul maître est un être humain qui a un mental dirigé par de l'intelligence, et c'est ce mental-là qui est le maître contrôleur à bord du corps physique, donc à bord de la vie. Donc, même s'il a de l'émotion, l'émotion ne vient pas perturber sa faculté d'être lui-même. Ce qui fait qu'un individu qui va transiter à travers le temps ne sera pas affecté par les différentes mécaniques. Et il y a de plus en plus d'individus qui, aujourd'hui, pourraient facilement voyager à travers le temps sans être mal pris. Par contre, où ils seraient mal pris, ce serait beaucoup plus d'affronter la réalité de la possibilité de voyager dans le temps, pour l'instant. Dans la Bible, il est dit que les vrais membres d'une famille ne sont pas actuellement nécessairement ensemble. Se peut-il que des familles se dissocient d'ici 92 pour retrouver leur vraie famille énergétique, ou si la Bible se trompe et que les familles vont rester comme elles sont? Bon, en tout cas, on va juste dire, Daniel Kim, ce qu'il dit, lui, c'est que les vrais frères et les vraies sœurs ne naissent pas tous sous le même toit. C'est un commentaire. Tu as changé depuis 3 semaines. On dirait que tu as décidé à passer. Que s'est-il passé? Ce soir, tu es à la hauteur de la situation. Ah, j'ai mangé un bon coup de pied. L'idée, c'est ce qu'il fallait. Il fallait que l'humain il marche. Je me suis acheté un appareil. Je l'ai fabriqué. Ça fait des années que je le suggère aux clients, mais les personnes, ils croient pas à ça, tu sais. Ah, je me suis fabriqué un appareil, là, avec un gros ressort que tu boulonnes après le mur. Puis il y a une grosse botte avec un pied après, là. Puis là, quand tu avances pas assez, tu te places en avant, là, tu pèses une télécommande, tu sais, puis pouf, ça boîte. Oui, il y a deux appareils intéressants que j'ai souvent suggéré dans les conférences. C'est le botteur de fesses, et puis l'autre, c'est une planche que tu mets sur le mur, puis tu tapes la tête dessus, tu sais. Pour les gens qui veulent se taper la tête sur les murs, là, quand à un moment donné, ils ne comprennent plus rien. La thérapie Astérix et Tintin, ça, je la pratique depuis que je suis jeune. Oui, parce que quand on en aura le bas, là, on ne comprend plus rien, puis c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on lit Tintin, tu sais. On a tout là-dedans. Tintin! Tout! Oui, c'est simplement que il y a des temps pour certaines personnes. Puis en ce qui concerne mon temps à moi, ben il n'est pas encore tout à fait là, mais disons que la porte est ouverte là, je suis sur le perron là. J'espère qu'on ne veillera pas sur le perron. Sur le perron ou sur le père carré, pas mal. Je travaille dans un domaine artistique et médiatique. J'ai à prendre des décisions d'ordre artistique et logistique. Moi j'aime ça, comme ça on ne prend jamais de décision. Pas assez de main pour ça. Mais en tout cas, c'est un langage humain, mais... Sur des œuvres où nous sommes plusieurs à intervenir. J'ai une position de pouvoir en ayant le dernier mot. Là... Attends, j'aimerais savoir ça. Tu devrais mettre les autres dehors. Ça s'ouvrait de pas ça chez nous, moi. Là où est le hic, c'est que je ne sais pas toujours si c'est une intervention de l'intelligence ou de l'ego. Comment discerner? Toi, c'est où le dernier mot chez vous? Oui, ils sont tous partis, je parle tout seul. C'est ça. C'est le premier mot qui compte chez lui, fait que le dernier mot, tu l'as tout le temps. Bon, je travaille dans un domaine artistique et médiatique. J'ai à prendre des décisions en dehors d'artistique et logistique sur des œuvres où nous sommes plusieurs à intervenir. J'ai une position de pouvoir en ayant le dernier mot. Là où j'hésite, c'est que je ne sais pas toujours si c'est de l'intervention de l'intelligence ou de l'ego. Comment discerner? Seul l'être humain intelligent peut discerner. Hein? L'être humain qui n'a pas d'intelligence, il va croire que c'est de l'intelligence ou que c'est de l'ego. Seul l'être humain intelligent peut discerner l'intelligence de l'ego. On ne peut pas apprendre ce que c'est que l'intelligence. Parce que si on l'apprend, l'ego va discerner, l'ego va encore nous créer des lubies. Alors la personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle ne doit pas s'en faire, premièrement. Deuxièmement, elle est dans un domaine où toute la structure est énormément manipulée. Dans le domaine de la médiation, ou encore dans le domaine artistique, ce sont des domaines extraordinairement manipulés. Est très, très astralisé, très, très sensible. Souvent, les individus sont sensibles. Et toute la mécanique au complet est une mécanique qui est à peu près uniquement astralisée. Alors, la personne qui est là-dedans, elle peut se conscientiser quand même. Là, il n'y a aucun problème. Elle ne doit pas se poser la question si elle choisit bien ou pas. Parce que, de toute façon, ce n'est pas elle qui choisit. Hein, c'est une mécanique d'ensemble. Et si elle veut trop faire attention à ce qu'elle va choisir, elle peut finir par se faire récupérer par la mécanique d'ensemble contre elle-même. Alors, on va finir par la manipuler à choisir croche pour que par la suite, elle puisse encore une fois se poser la question, pourtant, si c'était intelligent, j'aurais dû faire ça, je comprends plus rien, il me semble que, bon, etc. Dans des choix comme ça, l'intelligence n'interviendra pas. Pourquoi? Parce que l'art planétaire est encore une question de l'astral, ce n'est pas une expression de l'intelligence. Dans l'avenir, il va y avoir effectivement de l'art plastique intelligent, Bon, ce sera de la musique, ce sera du graphisme, ce sera de la peinture, des choses comme ça. Sauf que présentement, le domaine artistique est uniquement une expression de l'astral, ce qui fait que ça va rester l'astral qui va s'en servir. Autrement dit, n'importe quelle œuvre d'art est l'expression d'une mécanique astralisée pour que ça puisse servir à retrouver des individus, pour que les individus puissent canaliser de l'énergie émotive, affective, donc on dirait artistique, sensible, vers le monde astral. Alors, nécessairement, ce qui va arriver, c'est que les décisions qu'on va faire prendre au groupe ou à la personne ici restent des décisions pour forcer l'humain à nourrir le monde de mort, le monde astral. Alors, la personne ici, elle n'a pas à se casser la tête là-dedans. Ce n'est pas ça qui... L'intelligence ne s'exprimera pas dans un choix au niveau artistique présentement. L'intelligence va s'exprimer beaucoup plus dans le cas de l'individu. Si à un moment donné, il finit par se dire, « Bon, ben écoute, c'est moi qui ai le dernier mot, mais peut-être que je vais de moins en moins appliquer mon dernier mot. » Bon, c'est moi qui ai le dernier mot, mais je vais profiter de l'occasion pour voir comment je peux m'anégoïser. Tout le monde dit que c'est beau, moi je pensais que c'était laid, fait, je vais leur dire, bon d'accord, d'accord, hein? Je me suis peut-être trompé, peut-être que c'est beau, puis moi j'ai pas le même goût que tout le monde, mais je vais accepter votre idée. La personne peut vérifier, elle peut se servir de l'occasion, donc de son travail, pour pouvoir changer des choses chez elle, mais... Quand l'être humain se conscientise, quand on commence à devenir intelligent, donc à l'exprimer, parce que souvent on est intellectuant, avec la capacité d'exprimer l'intelligence, quand on l'exprime de plus en plus, on doit s'anégoïser, sinon ça va créer des problèmes. Et quand on exprime de plus en plus l'intelligence, le gros de l'important là-dedans, ce n'est pas ce qu'on va faire dans la matière avec l'intelligence. C'est beaucoup plus comment parvenir à devenir transparent soi-même en fonction de l'événement dans la matière. Autrement dit, moi je fais un choix X ou Y. Mais le choix n'est pas le problème. C'est la joie, donc la facilité, la simplicité que j'ai eue que pendant que je faisais le choix qui est déterminant de l'expression d'intelligence chez moi. Et non pas le résultat sur la planète Terre du choix que j'ai fait. Parce que la planète Terre, elle est totalement manipulée. Chaque être humain, chaque matière impose son espace-temps aux autres. Donc, en partant, mon choix ne peut pas être planétairement intelligent. Mais où l'intelligence va s'exprimer, c'est dans la joie que je peux rayonner chez moi à travers des mécaniques où j'aurai des décisions à prendre. Alors qu'en réalité, je ne prendrai pas de décision. Mais puis-je me libérer de l'attachement que je pourrais avoir au besoin d'avoir pris la bonne décision? À un moment donné, il y a une personne, par exemple, disons, c'est l'être qui est ici, disons dans une autre vie, prend la décision de prendre tel tableau et de le transporter immédiatement en France pour le cacher, parce qu'il y a des agresseurs qui veulent attaquer Rome. Quelques années après, le Troisième Reich, Adolf Hitler et sa gang rentrent en Europe, piquent le tableau, rentrent en Allemagne, puis le détruisent. Personne ne va dire, bon, ben, je me suis fourré. Puis si elle l'aurait laissé à Rome, peut-être que de la maison où ce qui était, ça passait au feu avant. L'intelligence ne doit pas être vérifiée dans le résultat dans la matière parce que vous allez perdre vos vies à essayer dans la forme, donc, de bien paraître, égoïquement ou même pour les autres. Non, l'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, c'est que vous faites une connerie, vous faites une décision, vous faites n'importe quoi dans votre vie, puis tout ça au complet ne devrait jamais altérer votre capacité d'être vous-même. Là, l'intelligence s'exprime. La personne, elle a simplement à faire ça. Pour le reste, c'est pas grave. C'est à l'intérieur de nous, ça commence. Où Frank Herbert, l'auteur de la série du roman Dune, prenait-il son inspiration? Bon, Frank Herbert... Qu'est-ce que je disais? Bon, Frank Herbert, c'est un phénomène. C'est un bonhomme que j'aurais aimé connaître, alors quand j'ai pensé que peut-être faudrait que je le connaisse, ben il est mort, bon. Alors voilà, il est décédé. Il a décidé de s'en aller. Il était relié... à des mécaniques d'avenir, il était relié à de l'utopisation. C'est un personnage qui a réussi dans ses romans, plusieurs écrivains ont fait ça, Jules Verne, puis il y en a eu un paquet d'autres, hein, ont fait ça, et il a réussi, lui, à attirer dans ses romans une grande vision de futur possible, mélangée à une grande vision de passé possible. Bon. L'alliance des deux va faire en sorte qu'on se ramasse quelques 1000, 2000, 3, 4000 ans plus loin dans l'avenir, et les individus restent dans une époque féodale où le modernisme est totalement romain, gothique, français. C'est un modernisme qu'on ne voit pas. C'est un gros modernisme brut. Tu as l'impression d'être dans un château médiéval, puis quand tu dis « ouvre la porte s'ouvre », tu sais, mais ça reste une grosse porte de pierre, plus ou moins maganée. Bon, alors c'est un mélange des phénomènes. Et il a été en contact à travers cela avec des mécaniques lazariennes. D'ailleurs, c'est le phénomène Dune est un phénomène intéressant parce que Dune, c'est la planète Terre. Mais on peut regarder, par exemple, l'incident Jésus, l'effet Lazare, qui sont d'autres romans qu'il a écrit, et sans compter d'autres petites choses qu'il a faites. Alors, c'est un personnage qui est un peu comme le psychiatre qui a écrit la cosmogonie d'Urantia, sauf que lui, il l'a écrit comme ça, ce qui passait chez lui. Lui, là, il est parvenu à synthétiser différentes choses. Comme Steven Spielberg fait à sa façon, comme George Lucas a fait, puis comme d'autres scénaristes vont le faire. Alors, c'est un personnage qui a été en contact avec énormément d'informations provenant de différents futurs possibles et de différents passés possibles. Il en a fait différentes choses. Il a exprimé à travers cela des philosophies qui proviennent de mondes extraterrestres. D'ailleurs, dans ses romans, c'est clair que ça provient de mondes extraterrestres parce que, bon, à cette époque-là, c'est évident que tout est extraterrestre, là. Il n'y a plus de terre, bon. Mais n'empêche que c'est des mécaniques. La majorité de ce qui est écrit dans le livre, c'est un peu comme La vie des maîtres, écrit par un bonhomme qui est allé aux Indes à un moment donné. Tout ce qui est dans ces livres est totalement faux et totalement possible. Bon. À part du fait que tu voulais le voir, c'est pour ça. Ça peut être une partie de la réponse. Pourquoi ces gens-là meurent c'est plus vite que les autres? Donc, toujours les meilleurs partent les premiers, là, mais c'est... Non, lui, il n'était pas si bon que ça. Il est mort assez âgé. Ça fait partie des choses de l'incompréhension. C'est que Frank Herbert était un écrivain. Il n'a pas appliqué ce qu'il mettait dans ces choses. C'est encore plus dangereux pour celui qui... Bon, je vais donner un exemple, par exemple. Un exemple, par exemple, intéressant. Frank Herbert, il parle de plusieurs choses dans ses livres, hein, dans le paquet de livres Dune. Si, dans ce qu'il parle, il y a plein de choses qui sont très bonnes. S'il décide de les appliquer, il va se surprendre d'arriver au résultat où ses acteurs dans son roman arrivent en pratiquant les choses. Si on regarde La Cité de Seth, par exemple, qui est un livre, d'une envergure, c'est différent d'une envergure similaire avec les livres qui vont suivre. La nuance qu'on va avoir là-dedans, c'est que ça reste un roman où la majorité de ce qui est écrit est tiré de la réalité. Alors que lui, la majorité de ce qu'il écrivait était tiré de futurs et de passés possibles. Si on parle de pratiques, de techniques, par exemple, dans La Cité de Seth, ces techniques-là existent depuis des années et des années. Et les individus qui les appliquent convenablement arrivent au résultat qu'on voit à l'intérieur du livre. Bon. Et les individus, si d'autres individus appliqueraient mieux, arriveraient au résultat aussi qu'on voit à l'intérieur du livre. Frank Herbert, s'il se serait servi de ses livres comme guide, il aurait probablement qu'il ne serait pas mort présentement. Sauf que pour lui, ça restait du roman. Ça fait partie de la médiocratie humaine, hélas, trop souvent. C'est un génie. Suite à la réponse positive de Badgad au plan de paix Gorbatchev, peut-on en conclure qu'une fois de plus, l'heure du choix planétaire a été repoussée? Ou serait-ce plutôt les prémices d'une alliance entre l'URSS et le monde arabe? Voilà, la personne, elle a tout compris. Ouais, ben, ça a changé pas mal aujourd'hui. Hein, si vous n'avez pas suivi les nouvelles l'après-midi ou ce matin, ça fait... Saddam, il a mis le feu d'un puits de pétrole. Oui, mais ça, c'est prévu. Puis, il y a un ultimatum jusqu'à demain midi pour sortir là-dedans. Oui, ça, c'est prévu aussi. Je vais vous expliquer une petite chose, comment c'est intéressant. À un moment donné, moi, je vois George Bush, par exemple, qui, bon, les Soviétiques vont offrir à Saddam Hussein un plan de paix. Avant que l'Irak dise non, oui, George Bush, il dit non. Alors, tu me dis, quel imbécile! Saddam Hussein n'a rien qu'à dire oui, ce sera la faute des Américains ici. Et là, je me dis, si je serais George Bush et je serais intelligent, bien, j'aurais aussi dit non au plan de paix. J'aurais dit non, on ne veut rien savoir. Là, Saddam Hussein, il aurait dit, bon, ben, Mollawa, le bonhomme, il aurait dit oui. Après ça, j'aurais dit, bon, d'accord, je suis d'accord avec le plan de paix. Là, je l'aurais forcé à dire oui, le CAF. Parce que si j'aurais dit oui, il aurait dit non. Si je dis non, il va dire oui pour me planter politiquement. Après ça, je reviens sur mes pas, puis je dis oui, puis là, il n'y a plus choix. Mais George Bush, il ne veut pas le plan de paix. C'est différent. Parce que lui, il veut tuer Saddam Hussein, puis il veut conquérir l'Irak. Parce que lui, dans sa tête, il se dit que si on ne fait pas si on laisse Saddam Hussein libre, on se dirige droit vers la Troisième Guerre mondiale. Il a raison. Il aurait totalement raison. Sauf que ce qu'il fait pour éviter la Troisième Guerre mondiale était prévu dans la mécanique qui nous mènerait là. Donc, il fait le jeu de la prophétie. En faisant tout pour qu'elle ne s'accomplisse pas, il va la rendre plausible. Les Soviétiques, eux, ont fait un rapprochement avec Bagdad, et c'est dans les prophéties prévues qu'à un moment donné, il y aura une alliance entre l'islam et l'Union soviétique contre les États-Unis, et c'est ça qui va engendrer la Troisième Guerre mondiale. L'islam va vouloir couvrir le monde de la religion islamique, donc le djihad, la guerre sainte, et en dernier, les Russes, on va s'entendre, c'est des athées, c'est pas trop pire, c'est pas un ennemi juré de l'islam en partant, c'est tout le catholicisme, et le diable, qui est nécessairement le protecteur de l'intelligence des États-Unis d'Amérique. Et à un moment donné, il va y avoir une alliance. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de rébellion de l'Union soviétique, ce n'est pas dit que Mikhail Gorbatchev est immortel, ce n'est pas dit que la perestroïka va passer dans toutes ces étapes. Il y a plein de choses encore. La personne ici a raison. Présentement, tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'effectivement, le point de jonction encore a été retardé par la conscientisation de plusieurs Québécois, parce qu'au Québec, ça se passe en majorité. Sauf que présentement, chaque nœud, chaque recul est un recul qui fait partie de ce qui est prévu. Alors, disons que je n'aime pas ça encore. Parce que la mécanique n'est pas encore entre les mains des êtres intelligents. Présentement, on recule en fonction de ce qui est prévu. C'est un peu comme si l'humain va faire le choix de l'homme nouveau là. Mais c'est prévu que c'est en 97 que ça va se faire. Et 92 est une année déterminante au niveau du début des conflits. 91, on assaisonne un peu. Bon. Et là, c'est comme si on avait quand même créé le chemin où on va te faire à croire que ça va commencer en 86. En 81, c'était la date la plus fatidique. À cause d'une association de planètes autour de la Terre. 86, c'est vital, et finalement 92. Mais là, finalement, c'est un peu comme si on donnait des dates comme ça pour que les humains qui, par exemple, prient quotidiennement pour qu'il y ait la paix, puissent se leurrer de penser que ça a marché. Il va continuer à prier des dieux qui ne peuvent rien faire, puis à un moment donné, quand il va arriver justement l'aigle sur le plan planétaire, ben l'humain aura perdu la capacité de travailler avec les vraies forces. Parce qu'il aura toujours pensé qu'en travaillant avec l'illusion, que ça fonctionne. Donc l'humain est en train de se faire ramasser. Alors présentement, je dis toujours qu'on a encore quelques années, mais on n'a pas beaucoup d'années, on a encore quelques années, avant que l'apocalypse des autres commence. Présentement, disons que c'est dommage, mais tout est absolument parfaitement bien orchestré en fonction de ce qui se doit d'arriver. Et dans ce qui se doit d'arriver, ben, il y a des belles, belles choses que les prophètes n'ont pas trop parlé. Mais la Bible en a parlé un peu. Les élus ne seront pas touchés par l'Apocalypse. Puis moi, je le dis souvent, les élus, c'est ceux qui n'ont pas de marque. Tous ceux qui auront des marques, des sceaux dans le front, c'est les individus qui vont rester ici. Ceux qui n'ont pas de marque, donc ceux qui ont une âme pure, ceux qui sont transparents, ceux qui laissent réfléchir l'intelligence supramentale bouddhique ou divine, ceux-là sont des individus qui n'ont pas de marque, et c'est ceux-là qui ont le sceau. Bon. Il y a énormément d'individus, 144 853. Il y a énormément d'individus qui vont effectivement échapper à l'apocalypse des autres. Et l'être humain qui recherche à faire partie de ce qu'eux appellent les élus, nécessairement ne peut pas faire partie parce que ce n'est pas une question d'être sauvé ou de te sauver, c'est simplement une question de devenir toi-même. Bon, d'être transparent, d'être pur, c'est tout. C'est une conséquence d'être parmi les élus? Automatiquement, il n'y aura pas de problème. Puis l'individu doit simplement le faire parce que c'est son chemin, pas parce que c'est ça, pas parce que c'est ça que son ego veut. On n'y arrivera pas. Qui était Jean Duceppe pour le Québec? Quel était son rôle autre que son rôle de comédien? Non, c'est toi qui gardes les vieilles questions. Non. Non, c'est de la mine, ça, d'après-midi. Là. Avait-il une fonction occulte consciente? Non. Bon, on va finir par en reparler un peu plus. On peut commencer à en parler un petit peu. Jean Duceppe, c'est un personnage qui est... Il a changé à travers le temps. Il est relié à Gilles Vigneault, il est relié à Félix Leclerc, il est relié à quelques autres personnages comme ça. Jean Duceppe, C'était la réincarnation, premièrement, d'un roi français. C'était un bonhomme qui avait énormément cru dans le Nouveau-Québec, dans les mondes neufs. C'est un bonhomme qui a été rosicrucien à cette époque-là. Et c'est un bonhomme qui avait participé, d'ailleurs, à l'instauration de... au déménagement des forces de Normandie vers le Québec, en l'occurrence du Fleur-de-Lys. C'est un bonhomme qui avait travaillé énormément à l'unification à cette époque-là dont je parle. À cette époque-là, il était effectivement ésotérisme et convaincu. Il avait travaillé à l'unification de certaines forces énergétiques dans le but de créer le bastion de ce qui, à un moment donné, engendrerait probablement un éclatement au niveau de l'intelligence supramentale. Dans son temps, lui, il parlait beaucoup plus de l'éclatement de la rose, au-delà de la croix. Alors, il était rosicrucien d'ailleurs. Et la rose symbolise plus souvent qu'autrement l'Esprit Saint, qui aime. Donc, le plan bouddhique mélangé avec le plan supramental. Et dans cette vie-ci, eh bien, il était relié. Bon, on sait que... René Lévesque était d'ailleurs un ésotérisme très puissant, d'ailleurs sa femme l'est encore. Yolande Guérard qui était très très puissant, ésotérisme aussi, lui rosicrucien, de toute façon il s'était avoué. Et ces personnages-là ont travaillé beaucoup, Félix Leclerc aussi, Leclerc c'est quelqu'un qui est correct, en tout cas qui voit. Il y a plusieurs choses comme ça. Il y a encore des personnages qui sont vivants. Là, Gilles Vigneault. Vigneault, c'est Lavigne. Lavigne, c'est le... En tout cas, si on regarde au niveau de l'ancien temps, c'est l'arbre de la vie. Ces personnages-là ont un énorme rôle à jouer dans l'unification de la conscience sociale de la sixième race, donc de la race québécoise, entre autres, qui est celle chez qui ça va germer. Et puis Jean XVII a joué un grand, grand, grand rôle là-dessus. Quand on parle souvent que... Et ça fait partie de l'occulte. Quand on parle souvent que l'art, le domaine des arts, c'est un domaine extrêmement important pour préserver l'intégrité d'un peuple, l'endroit sur la planète où ça se crie le plus, c'est au Québec. Et la majorité des personnes, des artistes qui étaient totalement séparatistes, sinon séparatistes, c'était des artistes comme lui, qui rêvaient, chacun à leur façon, là, mais d'une unification de la conscience du Québec. Dans le peuple québécois, c'est des individus qui ont, sans connaître nécessairement toute la mécanique là, qu'on pourrait parler, qui, eux, ont une confiance, mais totalement absolue, dans la puissance du peuple québécois. Alors, c'est pas qu'on se fout des Américains, c'est qu'on n'a pas besoin d'eux autres. C'est pas qu'on se fout des Canadiens, c'est qu'on est capable de se prendre en main nous-mêmes. Et par la suite, ça va être, oui, mais on va manquer de ci, manquer de ça, et puis Jean Duceppe, puis d'autres d'ailleurs, hein, qui sont décédés aussi, s'entendaient tous pour dire que non, on n'a rien à foutre, du moins que ça va être fait, là, on est correct. Alors lui sait, sait inconsciemment des choses que l'humain ne sait pas encore. Puis le bonhomme, à un moment donné, il meurt. Pourquoi? Parce que son rôle est un rôle de mortel. Et en mourant, nécessairement, il va rejoindre les rangs du premier ministre, l'ex-premier ministre du Québec, qui est René Lévesque, et puis de Yolande Guérard, d'Alexandre Lachance, et puis de Félix Leclerc, de quelques autres personnes qui, eux, décèdent, donc meurent, dans le but de se réincarner à travers la conscience de tous les Québécois, pour permettre l'unification plus rapide des égaux québécois vers un idéal de plus en plus évident d'indépendance, et non pas de séparatisme. De plus en plus, ça va changer. On ne veut pas se séparer, mais d'indépendance. Individualisation au niveau du peuple en même temps qu'au niveau de l'individu. Ça crée un peuple, ce qui fait qu'à un moment donné, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires commencent à penser plus que ça peut se faire. Les syndicats totalement contre deviennent de plus en plus pro-indépendantistes, et etc., etc. Ce qui fait d'une façon plus douce, d'une façon moins neuve, c'est bien. Et puis il y a d'autres artistes, évidemment, qui vont finir par nourrir les cellules du reste des Québécois. Est-il vrai que le vitellium peut neutraliser les mutations génétiques causées par les iridiations? Si oui, y a-t-il un résultat positif chez la plupart des gens ou s'il n'y a eu résultat que dans quelques cas ectopiques? Ce médicament aurait-il une provenance ou une inspiration d'origine extraterrestre? Bon. Effectivement, le médicament a été suggéré par des mécaniques intraterrestres en Europe. Puis il y a des années, le médicament, pas nécessairement le Vitalium, là, mais l'origine même, ce sont des cellules de fœtus qu'on va ramasser. Il y a eu une époque, là, 10-20 ans, où on les injectait simplement directement au niveau intramusculaire. Et à un moment donné, progressivement, on a commencé à ramasser différents types de cellules, ce qui fait qu'il y a plusieurs philosophies maintenant en Europe où on va prendre, par exemple, des cellules de fœtus d'un foie, puis on va les injecter à une personne qui a un foie malade, et normalement, le code énergétique de la cellule de l'embryon de l'animal, c'est similaire à celui de l'humain, devrait retrouver le foie et obliger par imprégnation vibratoire les cellules malades à reprendre le chemin qu'elles devraient prendre. C'est totalement plausible, logique, efficace, ça fonctionne. L'autre école de philosophie, celle qui va engendrer le Vitalium, eux vont penser un peu différemment. Ils vont se dire, au lieu de prendre des cellules de foie en santé pour guérir un foie malade, on va essayer de prendre des cellules qui, normalement, devraient faire travailler le foie ou nourrir le foie ou engendrer le foie dans le fœtus. Alors, on va aller un chaînon plus haut dans la chaîne et, normalement, on devrait ramasser des cellules d'embryon qui peuvent avoir plus de possibilités curatives que sur le corps physique, par exemple, qu'uniquement le foie, parce qu'une cellule qui devrait devenir le foie, le même type de cellules, en se spécialisant, vont donner le pancréas, vont donner une partie de l'intestin, vont donner d'autres choses. En puisant là, on a donc la possibilité d'avoir moins de médicaments qui vont être capables de s'adresser spécifiquement aux organes malades. Le Vitalium, c'est donc quelque chose comme ça, qui se prend par voie orale, parce qu'à un moment donné, on a essayé aussi de le prendre par voie orale en vérifiant si le système digestif était pour détruire les cellules ou non. Les cellules sont extrêmement vivifiées, alors normalement, elles sont capables d'être assimilées par le corps physique et pendant quelques jours, aller jusqu'à un mois, travailler dans le corps physique à régler les choses. Il y a des dangers, effectivement, à prendre cela, surtout chez certaines personnes qui vivent une certaine particularité au niveau évolutif. C'est évident que tous les genres de médicaments dans le genre du Vitalium, la problématique, c'est qu'on va vanter énormément les mérites du médicament et on ne parlera jamais de tous ceux pour chez qui ça n'a pas fonctionné. Mais c'est ce que toutes les médecines font d'ailleurs. Alors, le médicament est relativement opérationnel. Et est-ce qu'il peut faire ceci, faire cela? Une chose certaine, c'est que tout le phénomène, disons, des médicaments, pour parler du Vitalium ou tous ceux qui sont connexes à ça, ça a un effet extrêmement intéressant si l'individu a découvert la cause psychosomatique ou énergétique, énergético-somatique de sa pathologie. Normalement, là, on peut avoir un résultat vraiment intéressant. Si la personne n'est pas rendue à ce point-là, on aura aussi des résultats intéressants avec normalement moins de dangers. Par contre, l'individu risque d'être purgé royalement par les cellules d'embryon qu'on va lui injecter parce que ces cellules-là ne seront pas amadouées par l'amour bouddhique de l'être qui se conscientise. Alors, la cellule, elle va par exemple rencontrer... Bon, où il y aurait un danger, c'est que toi, tu as une cirrhose du foie, un cancer du foie, et le foie est très malade. En chirurgie, peut-être qu'on t'éclairerait au complet ton foie. Alors, tu vas prendre un médicament comme le Vitalium, mais il y a des possibilités, si tu n'es pas suffisamment conscientisé, que le Vitalium trouve le foie et détruise complètement le foie et le rejette. Mais les cellules qui sont là, eux, n'auront pas le temps de recréer un foie, tu vas mourir carrément. Bon. Alors, il y a effectivement des petits dangers, des petits effets secondaires particuliers. Dans la majorité des cas, c'est un médicament qui peut être intéressant, mais on ne devrait pas prendre ce genre de médicament-là. C'est un médicament, ce qui reste à développer. Okay? Dans l'ère nouvelle, c'est plutôt des médicaments comme ça qui vont servir. Des médicaments homéopathiques, des médicaments énergétiques du point de vue endoformique et des médicaments qui ont une puissance différente. Autrement dit, et c'est ce que la médecine refuse aussi, c'est que vous avez mal au foie, prenez ceci. Vous avez mal à l'œil, prenez la même chose. Vous avez mal à un pied, prenez la même chose. C'est un médicament qui a la capacité de trouver ce qui ne va pas. un peu comme les guérisseurs. Les guérisseurs, ils ne connaissent rien. Alors, ils magnétisent le genou, tu as de l'arthrite, ça fait du bien. Tu as mal à l'estomac, tu magnétises l'estomac, c'est comme la même énergie. C'est la même énergie, de l'énergie minérale, entre autres. Et cette énergie-là, elle a la capacité de s'en aller là où c'est désharmonieux et recréer l'harmonie. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et quand on regarde un peu l'avenir, quand on regarde les utopisations qui ont été amenées, que ce soit dans Patrouille du Cosmos, que ce soit dans d'autres films, d'avenir, intéressant, bien souvent, les médecins n'ont pas une panacée extraordinaire de médicaments. On a 2-3 appareils électroniques qui émettent des ondes particulières et on va être capable de bloquer une hémorragie cérébrale avec un appareil qu'on passe au-dessus de la tête. On va être capable de diagnostiquer telle affaire-là. Puis il n'y a plus grand-chose. Mais la médecine devra aller de plus en plus vers le « il n'y a plus grand-chose ». Comme présentement, moi, je suis... Pas le temps qu'on parle. Bon. Mais à un moment donné, dans l'avenir, il y aura... Il y a des choses qui vont se faire au niveau énergétique où on va être capable de synthétiser des régions corporelles ou des médicaments corporels que tu n'as qu'à travailler ça pour régler la majorité des déséquilibres organiques. Donc, le Vitalium est un médicament qui est encore en train d'évoluer. Il y aurait, par exemple, une façon biologique d'élever les parents du fœtus pour y récupérer les cellules, etc. Mais on peut considérer que c'est intéressant comme médicament, mais encore une fois, ce n'est pas une panacée encore. Et comme dans n'importe quel médicament, il peut y avoir des symptômes résiduels. La majorité des patients qui en ont pris, le médecin qui a amené ça ici, donc un grand chercheur, un bonhomme qui travaille là-dessus depuis longtemps au niveau de l'Europe, parle de 1% de problématiques avec ce genre de médicament. Bon, j'ose avec lui dernièrement, et puis 1% de problèmes de problématiques. Si on regarde la majorité des médicaments connus actuellement, ben 1%, c'est très, très, très résiduel. Sauf qu'encore une fois, c'est qu'on ne peut pas se dire, ben moi, là, je suis curieux d'avoir telle affaire, là, on va aller prendre du Vitalium. C'est intéressant, le Vitalium. C'est comme une conférence, c'est comme un séminaire de Daniel Kemp. C'est la même chose. En bouteille. Une petite bouteille grosse de même, là, c'est soit les 15$, tu en prennes 5 fois. Tu sais, ça coûte cher. Fait que quand tu veux niaiser, là, tu te dis, écoute, 300-400$, je vais me prendre des aspirines. Ça a un avantage. C'est que l'individu qui, normalement, a à aller le chercher, ben, il va mettre énergie pour aller le chercher, ce qui va déjà faire que ça peut fonctionner vraiment bien. Quel est le processus du savoir? Est-il autre que télépathique? Bon, si je parle et qu'au fur et à mesure que j'annonce des choses, certaines personnes disent « Ah, ben c'est ça, j'aurais dit la même chose. » Voilà, « je le savais. » Avant que je le dise, ils ne savent pas. Quand je le dis, ils le savaient. Eux bénéficient simplement du contact que j'ai et par télépathie, ils s'en sont conscients, ce qui fait qu'à peu près en même temps, oh, des fois, ils savent avant que je le dise. Pourquoi? Parce que dans la tête, c'est plus rapide que le temps que l'interpréteur au niveau oral le communique. Pourtant, moi, une bouche qui a un débit quand même intéressant. Mais quand même, c'est jamais assez rapide. Alors, moi, je le sais, lui, il sait, moi, je le dis, donc il sait avant que je l'aie dit. Et c'est ce qui va faire de temps en temps qu'une personne qui a un petit peu d'ego va se dire, « Crème, j'ai plus besoin d'y aller parce que je le sais même avant qu'il le dise. » C'est vrai. Mais quand je ne suis pas là pour le dire, il ne le sait pas non plus. Donc, télépathique. Par contre, le savoir individuel, parce qu'un jour, vous allez être en contact avec votre propre esprit, ça va de soi. Alors, ça, c'est plus un savoir télépathique, c'est un savoir énergiopathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une... Parce que télépathie, c'est un contact entre, disons, conscience ou pensée, dépendamment de ce qu'on va dire, ou encore au niveau de l'émotion. L'énergiopathie, c'est une symbiose, c'est une fusion, plus ou moins complète, dépendamment de l'état de l'énergiopathie, entre une mécanique extraterrestre, c'est-à-dire qui n'est pas créée de la Terre, qui est l'esprit, qui est la gratuité, le plein d'intentionnalité, donc qui est l'être réel qui va devenir humain, donc qui va devenir un être humain. C'est un peu comme le Christ qui rentre dans Jésus pour faire Jésus-Christ. Bon, alors à un moment donné, il y a l'humain, puis il y a l'être qui va finir par descendre devant. L'énergiopathie, c'est un contact par le biais de l'ajusteur de pensée qui vient progressivement restructurer les choses. Pour l'ego, il peut entendre des voix, mais on va revenir dans le prochain mois sur justement le contact avec les guides de lumière, qui c'est une des marches que la majorité des personnes un jour auront à franchir, entrer en contact avec des guides de lumière. Par la suite, ils rentreront en contact avec des anges, ils rentreront en contact finalement avec un dieu particulier, sinon leur père du point de vue d'une grande mécanique fusionnelle planétaire. Et par la suite, ils devront digérer différentes choses, mais on va revenir au courant des mois. Donc, l'énergiopathie, c'est un peu cela. La personne, elle va, par son ajusteur de pensée, être en contact avec les choses. Dans un laps de temps, ça peut être comme si on parlait. Ça fait comme télépathique. Mais une télépathie, ça ne parle jamais dans votre tête. Une télépathie réelle, c'est qu'en même temps que je dis que je pense à Rose, vous pensez à Rose. En même temps que je décide, tiens, on devrait se lever tous les deux, puis en même temps que j'ai le goût de me lever, il a le goût de se lever. En même temps que je dis peut-être qu'on devrait se lever, en même temps, il se dit peut-être qu'on devrait se lever. Puis en même temps que je me lève, en même temps, il se lève. Là, on est télépathe. Bon, c'est pas Charles, qu'est-ce que tu dirais si on se lèverait? Ah ben là, je sais pas, là, peut-être qu'on devrait rester assis. Bon, que... ouais, mais moi, je pense pas que... Ça, c'est pas de télépathie, ça. OK? Bon, ça, c'est de l'émotiopathie. L'astralopathie. Alors, le savoir, ce n'est pas télépathique, sauf que pour l'ego, ça va ressembler à ça, parce que si l'ego n'est pas encore capable de discerner la partie de la conscience, de la partie de la mémoire de la conscience, bien, chaque fois que votre conscience sait quelque chose, la mémoire, donc l'ego l'apprend, et l'ego pense qu'on lui communique des choses. Est-ce que la télépathie peut être utilisée pour contacter des intelligences extraterrestres pour s'instruire? Bon, encore une fois, on va en parler. Moi, j'ai eu des contacts avec les extraterrestres souvent. On va vous expliquer comment qu'on peut entrer en contact ou les intérêts ou les désavantages du contact avec les extraterrestres. Oui, on peut effectivement entrer en contact télépathique avec les extraterrestres. La problématique là-dedans, c'est que si l'humain ne contrôle pas toute la mécanique et s'il ne connaît pas toutes les lois qui sont sous-jacentes au contact extraterrestre, il peut facilement être en contact avec un guide de lumière qui s'est passé pour un extraterrestre. Ou encore qu'une mécanique astrale, un phénomène démoniaque qui s'est passé par un extraterrestre puis qui progressivement va finir par l'enclencher sur des trucs qui n'ont pas de sens. En plus, dans les extraterrestres, il y a des extraterrestres qui sont totalement dangereux pour l'humain parce qu'ils cherchent à voler sa génétique, comme les intraterrestres. En plus, il y a beaucoup de contacts extraterrestres qui sont totalement intraterrestres. L'individu ne sait pas, non? Il n'arrive pas à reconnaître la couleur. Et il y a effectivement des contacts extraterrestres qui se font par transport séraphique. Donc, c'est un contact énergiopathique par transport séraphique. On va en reparler encore. Mais l'humain peut le faire, mais disons que s'il ne connaît pas tout, là, il peut se faire ramasser comme il faut. Est-ce que la fusion est reliée à ce que l'on appelle la montée de la Kundalini à travers les sept chakras? Il a lu comme il faut. Oui, monsieur. Il faudrait recommencer. Kundalini, c'est ça. À travers les sept chakras. Non. Sinon. Non. Non. Je vais vous expliquer ceci. Sinon. À l'aurore du matin, on appelle ça la belle urette. Alors, on dit maintenant belle urette. Bon, il y a belle urette. C'est pas. L'animal humain pouvait ramasser son énergie, surtout au niveau du plan tellurique. Alors, il était végétal, il mangeait des végétaux, il a mangé, à un moment donné, des animaux qui mangeaient des végétaux, donc devenu carnivore, il mangeait les bœufs, il mangeait des herbivores. Et plus tard, il a commencé à manger, mais c'est très rare qu'on va manger du chien, du loup, ces choses-là. Bon. Et il avait besoin d'énergie, la majorité de l'énergie, c'est l'énergie qui partait du sol. Et dans sa constitution anatomique et vitalique, le corps humain était bâti de façon à ce que la majorité de son capteur d'énergie était ses pieds. L'énergie captée par ses pieds, une partie par le système cutané qui ramassait de l'énergie yin, mais les pieds ramassaient surtout de l'énergie yin. Et son alimentation fait ramasser yin et yang, dépendamment s'il mangeait des racines ou encore des feuilles. Et progressivement, l'énergie est accumulée dans une région qui est une région qui est énergétiquement reliée aux régions sexuelles physiques. Donc, l'homme, la femme sexuée en lémurie, avait donc la capacité de ramasser suffisamment d'énergie pour être capable de développer le centre laryngé et le cerveau et de procréer. Hein? Bon, d'aller vers la création. Maintenant, ce qui arrive, c'est que progressivement, ce réservoir d'énergie a été capable de ramasser de plus en plus d'énergie à un point tel que l'homme, la femme, avait un besoin de plus en plus grandissant de sexualité. Et subitement, la conscience, il y a des Melchizedek qui sont passés, des catalyseurs de l'évolution, donc on peut appeler ça des avatars, des maîtres, qui ont expliqué à certains personnages, surtout au niveau de la race indo-européenne, donc les prémices de la race blanche, neuronique et non pas blanche cutanée, donc la race qui couvre la planète Terre aujourd'hui, quelle que soit la couleur de la peau, les premiers ont commencé à penser qu'on devrait peut-être inhiber la sexualité un peu et prendre cette énergie-là pour la faire circuler ailleurs. Alors, les médiums de l'époque voyaient qu'il y avait des canaux d'énergie. Il y a 7 carrefours d'énergie principaux qu'on appelle chakras. Il y en a 63 secondaires, puis il y en a près de 700 tertiaires. Bon. Alors, eux voyaient cela, et ils voyaient qu'il manquait d'énergie là-dedans. Et quand il y avait un petit peu d'énergie, dépendamment des pathologies ou encore de l'animalité chez l'humain, le colérique, il y avait un chakra qui tournait bizarrement. Hein? Bon, le jaloux, c'était quelque chose d'autre. Alors, eux ont commencé à penser, voyant le Muladhara chakra, le chakra qui est relié aux ondes sexuelles, bourré d'énergie, et voyant que l'animal humain avait besoin de procréation, enfin bref, de sortir cette énergie-là au plus sacrant, la femme dans l'enfantement, puis l'homme dans l'éjaculation, ben, il a pensé qu'il y aurait peut-être des mécaniques pour faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale, qu'on va appeler aussi l'arbre de la vie, qui va devenir Kundalini, le serpent sacré. Alors, ils ont pensé à trouver des techniques. Ils ont été instruits par donc, certains Melchizedek de techniques qui permettaient l'énergie yin et yang, donc de monter chacun dans son coin, à travers la colonne vertébrale. Et en montant, ça va réchauffer, réveiller des centres d'énergie et des chakras, pas seulement les chakras principaux, mais un paquet de chakras secondaires et tertiaires, et ça va permettre une évolution vers l'intelligence, donc à travers le temps. Aujourd'hui, bien que les chakras soient mal canalisés souvent, tous les chakras de votre race sont ouverts. Alors, la fusion, ce n'est pas ça. Maintenant, la génétique, le temps, vous a donné des corps dont tous les chakras sont ouverts, mais souvent, l'alimentation va en barrer un, mange mal, la peur, la colère, il y a un petit mélange encore d'animal humain. Alors, il ne faut pas grand-chose pour restabiliser tous les chakras, hein, pour que la Kundalini circule librement. Et là, elle va aller jusqu'au centre coronal, donc la glande pinéale, et rendue la glande pinéale, va commencer à la faire fonctionner. La faisant fonctionner, c'est le troisième cerveau, c'est dans la glande pinéale que le contact entre le corps, tous les corps humains, et le 2-bétyrique qui va être créé par la négoïsation va se faire, par la glande pinéale. L'énergie yin-yang kundalinique va faire travailler la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle, chez l'enfant, sécrète des hormones qui inhibent la sexualité, ce qui fait que l'enfant ne peut pas se reproduire et n'a pas de problème sexuel jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, la glande pinéale commence à cesser ces sécrétions-là, et à un moment donné, elle les sécrète presque plus, ce qui va faire en sorte que là, il y a une mutation physiologique qui va faire en sorte que la femme devient, que la fille devient une femme, et que le garçon devient un homme, avec toutes les problématiques que ça peut incomber. La Kundalini, bien placée, va inhiber progressivement le besoin de la sexualité, et là, l'énergie va commencer à circuler de bas en haut, et ça va permettre la création d'un confort astral, la création d'un confort mental, et là, l'énergie maintenant supramentale part d'en haut, elle, et c'est ça maintenant qui va se passer, elle descend chez l'homme, et maintenant, elle va le remplir, l'homme, la femme ou l'enfant. La fusion, c'est qu'à un moment donné, on va faire fondre notre ego, donc par la négoïsation. Ça veut dire qu'on finit par avoir une âme transparente. L'énergie circule librement, sans coloration, sans peur, sans mémoire, sans jalousie, sans toute cette problématique de l'humain. Et tout ça au complet, la fonte de l'ego, c'est de l'énergie. On va la transmuter en quelque chose d'autre, qui va devenir le double éthérique, qui est un double d'énergie vitale, dans laquelle va venir descendre la majorité de l'énergie supramentale qu'on ne peut pas garder dans le corps physique. On a le réservoir que Muladhara Chakra, qui est le chakra sexuel, qui a ramassé l'énergie planétaire, mais l'énergie supramentale va se ramasser dans le double éthérique. Et il y a d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui vont se ramasser dans le deubétérique aussi. Alors, à un moment donné, quand le deubétérique est totalement plein, quand l'âme est totalement pure, quand le corps physique est totalement prêt, le deubétérique va commencer à se rapprocher du corps physique de l'homme, de la femme ou de l'enfant qui est prêt, et là, il va venir l'habiter. Il va en faire un corps de lumière, il va totalement énergiser chaque atome du corps physique, et il va se fusionner au corps physique, ce qu'on appelle la fusion. À partir de là, la conscience est déjà immortelle quand on s'en égoïse, mais là, le corps physique est immortel, traverse le temps, courbe l'espace-temps, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît présentement. Bon, la fusion, c'est ça. Donc, ça demande nécessairement une démarche kundalinique complétée. Présentement, la majorité des personnes ont les chakras en fonction, sauf qu'il y a des problématiques au niveau des chakras. Quelqu'un qui me dirait « qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Ben, on pratique des techniques neuves. Moi, je pourrais dire à quelqu'un « écoute, Avec un peu de yoga ou de Raja Yoga, le yoga du serpent, vous pourriez... Ouais. Sauf que ces techniques-là, du moment que vous allez avoir réussi à équilibrer vos chakras, vous devez arrêter. Alors que si on prend une technique neuve, je pourrais dire à quelqu'un, écoute, si tu apprends à menphiser, ça va se faire. Puis quand ça sera fait, la menphisation va continuer à t'aider à travailler ton corps physique pour permettre la fusion. Bon, je pourrais dire à quelqu'un de resconiser, respirer consciemment, de telle façon, ça va ajuster encore une fois l'énergie au niveau des chakras, mais une fois que c'est fait, c'est ça que tu as besoin maintenant pour continuer. D'où l'avantage d'apprendre des techniques neuves pour l'homme, la femme nouvelle, plutôt que de revoir les techniques du passé, histoire de corriger un peu. Que ce soit avec une vie, canalisation de la vie, bon, des choses comme ça. Alors, la personne, dans ce qu'elle dit, c'est ça, mais la fusion, c'est le contact entre ce qu'on aura créé dans l'éther, tout éthérique, et ce que nous serons parvenus à purifier dans le planétaire. Existait-il des méthodes plus efficaces que le rebirth ou focusing pour se nettoyer de certaines mémoires qui se traduisent par des maladies physiques? Si oui, expliquez comment faire. Bon, la personne a dit merci. Elle n'aurait pas dû dire merci parce que peut-être que la réponse, elle n'aimerait pas. Et vous, l'être humain est bourré de mécanique astrale. La majorité d'entre vous, vous êtes constitués d'à peu près 30 millions de personnalités réincarnatives qui viennent du temps. Et tout ça ensemble, ça va nous créer différentes problématiques. Bon, quand l'être humain commence à être conscient, la meilleure chose que l'humain doit faire, ça va être de faire complètement la purge ou de ne pas faire la purge. Je le fais ou je ne le fais pas. Parce qu'entre les deux, vous allez finir par être un être transitif. Et un être transitif qui n'a pas fait le choix de faire, ou qui n'a pas fait le choix de ne plus faire, va souffrir des années, des années, des années, des années, des années. Ce qui devient ridicule. Donc, la personne, ce qu'elle devrait faire, ça serait de faire du rebirth, ou bien, si elle veut une réponse de Daniel Kemp, elle devrait faire le séminaire de Daniel Kemp. Par la suite, elle aura les outils qu'il faut pour traverser. Sans ça, eh bien, elle devra peut-être prendre un autre chemin. Il y en a deux autres, un autre chemin, à part le mien. Bon. Puis l'autre chemin, il est aussi bête que le mien. Bon. Sans ça, la personne, elle peut essayer de purifier un peu les mécaniques de sa vie, mais il faudra qu'elle fasse du rebirth toutes les 5 ans, toutes les 10 ans. Enfin, c'est une technique qui ne la rendra pas libre de la technique. Pourquoi? Parce qu'elle va clarifier certaines choses, mais elle n'aura pas réglé ce qui implante chez elle les problèmes. Alors, la meilleure chose, donc la meilleure réponse, ce serait simplement que la personne traverse l'autre côté, puis qu'à un moment donné, bien, qu'elle s'instruise dans ce qui a trait à des techniques qui ne nuisent pas à la conscientisation et qui préparent le corps à aller plus loin. Et puis là, nécessairement, bien, elle aura tous les outils qu'il faut pour clarifier tout ça au complet. Quelle est la constitution du soleil sur les autres plans? Bon, disons que physiquement, déjà, le Soleil n'est pas tout à fait une planète. Il y a évidemment des atomes qu'on retrouve ici sur le plan planétaire. Ce qu'on doit comprendre, c'est que sur les autres plans, le Soleil, c'est quelque chose qui... La majorité de l'énergie vitale est mise par le Soleil, de l'énergie yin, parce que les plantes vont ramasser, c'est le corps physique a besoin aussi. Il y avait à peu près pas d'énergie yin sur ce plan solaire. Il y en a quelques fois. Dans les tâches, puis dans certaines explosions, il y aura des créations d'énergie yin. En réalité, c'est de l'énergie yan, yinique. Bon, un peu complexe. Il y a un petit peu d'énergie yin. Sur le plan astral, le soleil est à peu près totalement dépourvu de mécanique astrale. Sur le plan mental, le soleil est à peu près totalement mental. C'est-à-dire que l'énergie solaire est une énergie, du point de vue sur le plan mental, qui est à peu près totalement pure. Maintenant, le plan mental est quelque chose qui est efficace seulement s'il est relié à un plan astral. Alors, vous êtes totalement logique, par exemple, vous êtes un ordinateur absolument parfait, ce qu'est le soleil sur le plan mental, mais l'ordinateur étant parfaitement logique, mais il n'a aucune banque de données. Donc, sa logique ne lui sert à rien. Il ne peut pas dire 5 et 5 font 10, il ne connaît pas 5 et 5. Si on lui donne de l'information, il va la légiférer d'une façon absolument parfaite. Mais vu qu'il n'y a pas d'astral au niveau du plan solaire, le soleil mental est un légiférateur absolument parfait, sans aucune donnée. Donc, l'être humain qui, à un moment donné, finit par avoir une conscience qui est de plus en plus planétaire, conscience astrale très spirituelle, très évoluée, à un moment donné, il va finir par toucher, par avoir une conscience mentale, et la conscience mentale va lui être donnée beaucoup plus par un contact dans le plan mental avec l'énergie solaire. Donc, il aura besoin de plus en plus de chercher des régions yan, yan, yan. De ce fait, il y a beaucoup de régions planétaires qui sont yiniques, que les individus qui arrivent à une conscience mentale vont fuir. Il y a des régions des cantons de l'Est, par exemple, qui vont faire fuir le monde. Il y a des régions sur la planète aussi qui vont faire qu'il y aura des migrations à un moment donné, parce que l'humain, en contact avec une énergie solaire ionique, va rechercher des régions planétaires beaucoup plus yam, de façon à développer, à expandre sa conscience logiférante. Et parce que lui, il a de l'information spirituelle astralisée, il va être capable de se servir de la logique, disons, solaire. Et on parlera donc, dans l'Antiquité, d'initiation solaire, veut dire l'initiation qui va faire en sorte qu'un jour, tu n'analyseras plus émotivement ta mémoire, mais tu vas commencer à l'analyser d'une façon logique, donc d'une façon mentale. Par extension, on parlera toujours d'initiation solaire, dans ce sens, d'initiation vers la lumière. Donc, l'initiation solaire, aujourd'hui, peut aussi très bien servir de mot pour dire une initiation au niveau supramental ou même une initiation bouddhique à un moment donné. Bon, or, quand on parle donc, bon, d'énergie solaire, c'est ça. Au niveau supramental, il n'y a rien émis par le soleil au niveau supramental, sauf qu'il y a beaucoup d'énergie supramentale réfléchie par le soleil. Le soleil n'en rayonne pas, mais il y a beaucoup d'énergie supramentale dans le centre de notre galaxie, et il y a deux faisceaux majeurs, présentement, qui partent du centre de la galaxie. Il y en a un qui frappe de plein fouet le soleil et qui le dirige droit sur le plan planétaire. Et c'est le faisceau auquel moi je suis relié. Et il y a un autre faisceau qui part encore du centre de la galaxie, qui va frapper un autre soleil et qui le réfléchit droit sur la planète Terre. Puis c'est de là que va venir la puissance supramentale d'une autre personne au Québec qui est reliée lui aussi. Et c'est ce qui va faire en sorte que sa façon et ma façon d'agir, bien qu'on communique la même chose, sont totalement différentes. On ne provient pas du même soleil. Est-ce que pour vous, accéder à la divinité en termes simples, c'est prendre conscience, en termes simples, je vais souligner, c'est prendre conscience que nous créons notre propre vie, heureuse ou malheureuse, en se créant dans nos pensées ce que nous voulons qu'elle soit, la vie. J'assiste à une première conférence, il y a beaucoup de matière pour une néophyte. Bon, oui, effectivement, alors en termes simples, non, ce n'est pas ça. C'est très simple. C'est sûr que quand on assiste la première fois à une conférence comme celle-là, il y a des mots, il y a aussi la vitesse à laquelle j'ai parlé. Il y a beaucoup d'énergie aussi qui est communiquée. Il faut se donner le temps de voir, premièrement, si ça plaît ou si ça plaît pas, parce que c'est pas une religion. On revient pas uniquement parce qu'on pense qu'on va manquer quelque chose. Vous savez, on manque jamais rien. Bon. Si on a à y être, il n'y aura pas de problème, puis on y va en fonction de l'appétit. Pas qu'au niveau de l'ego, là, mais de l'esthétisme ou du plaisir qu'on va en retirer. Alors, non, est-ce que pour vous, accéder à la divinité en termes simples, c'est prendre conscience que nous créons notre propre vie, heureuse ou malheureuse? Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas un humain sur la planète Terre qui crée sa vie. Il est totalement manipulé. Et là, encore une fois, c'est un terme très simple. Mais souvent, une personne qui vient de la première ou la 2, 3, 4, 5, 10e fois a de la grande difficulté à accepter la réalité du fait que l'humain est manipulé. Parce que ce qui arrive à un moment donné, c'est que l'humain a tellement pensé qu'il était le responsable de sa vie, alors il se disait tout le temps, « Bon, je dois prendre la bonne décision. » Mais écoute, prends la décision. Puis souvent, l'humain dit, « Bien, avoir su, j'aurais pas fait ça, justement. » L'humain est toujours manipulé, toujours fourré. On pense, souvent, l'humain pense faire le bien, puis fait le mal. Alors, la personne, à un moment donné, l'ego humain va dire, « Écoute, c'est pas parce qu'on est manipulé, c'est parce qu'au fin fond de nous autres, on voulait peut-être faire le mal. » Mais théorieux, il faut croire d'abord que tout ce qui charrie notre vie consciente fait partie de notre inconscient. Et là, on a parlé des pouvoirs du subconscient. Toi, que ta conscience, va charrier l'inconscient pour qu'il te fasse faire ce que tu veux. Mais là, on est encore dans des mécaniques de manipulation. Mais là, la problématique là-dedans, c'est que malgré que l'humain fouille au fin fond de lui-même, il se fait toujours ramasser par les culottes. Alors, devenir divin, ce n'est pas de créer notre... On ne la crée pas, notre vie. Tout est une illusion totale, et la plus grande des illusions, c'est que l'humain pense que ça, c'est de la réalité, et que c'est lui qui mène le monde. Ce monde-là n'est pas mené par lui. Il est dedans. En se créant dans nos pensées... Surtout que quand on parle de pensée, et je le répète encore pour la personne, il suffit juste de dire, C'est très simple, vous vous couchez le soir, vous voulez dormir, ça pense dans votre tête. Si c'est vous qui pensez, ben cessez de penser, d'aller dormir. Et la personne découvre que non, je ne peux pas cesser, ça pense dans ma tête, ça continue à penser, j'arrive pas à. Et là, on va inventer des techniques, je veux contrôler ma pensée. Mais si tu as contrôlé ça, c'est que c'est pas toi qui penses, tu n'es pas la pensée. Bon, change d'idée. Et la personne va dire, oui, mais regarde, j'ai fait des projections, des visualisations, et puis là, dans la pensée, je voyais des choses. Combien de temps ça prend aux individus arriver à centrer leur pensée sur une tomate pour en avoir une? Parce que là, il y a un cheval, il y a un bateau, il y a une affaire, un parti. Ça pense dans ta tête. Et la personne va dire, à un moment donné, j'arrive à cibler, à me concentrer. Imaginez l'énergie qu'on doit placer pour figer la pensée, au lieu subitement de se dire, écoute, c'est pas moi qui pense. Là, ça pense un paquet d'affaires, ça, je m'en fous. J'apprends à parler dans ma tête, et maintenant, je vais parler des choses. Quand je veux cesser de parler, je cesse quand je veux. C'est moi qui parle. Quand je veux cesser de penser, je ne peux pas. C'est pas moi qui pense. La personne, elle a un accident d'auto, puis après ça, elle revoit l'accident sans arrêt. C'est de la pensée. Ce n'est pas elle, ça. Bon. Et ça, c'est important qu'on arrive à le comprendre, parce qu'on reste encore dans la mécanique de l'illusion qui va faire en sorte qu'on passe notre vie à rechercher des lubies. On pourra mettre les mots qu'on voudra ou mettre les camoufler avec l'orgueil qu'on aura, mais on n'arrivera pas non, à le faire. On ne peut pas y échapper. Bon. Donc, par la pensée, non. Ce que nous voulons qu'elle, la vie, soit. Et encore là, je reviens à une chose. Qu'est-ce que vous voulez que la vie soit? Alors que vous ne connaissez de la vie que ce que vous avez expérimenté de la vie, et vous ne connaissez rien de ce que vous ne connaissez pas de la vie. La personne qui est en pleine jungle, quand j'étais en Amazonie, je peux demander à quelqu'un, c'est quoi la vie pour toi? Elle va me la décrire. Je la ramène à Montréal, la ramène à l'Amazonie. C'est quoi la vie pour toi? Première chose, être à Montréal. Bon. L'humain ne sait pas. L'humain va dire, ben, ça serait par exemple d'être capable de me guérir. Ben moi, je dirais, moi, je n'ai jamais malade, tu sais, je ne veux pas être capable de me guérir. Je n'ai rien à foutre de me guérir. Bon, j'aimerais avoir le bolide le plus rapide. Non, moi, j'aimerais ne pas avoir à me déplacer. Tu sais, que le monde se déplace. Tu sais, je veux m'en aller là-bas, là, que ça vienne, tu sais, que je sois là. Tu sais, je n'ai pas de problème. On ait tous les aliments qu'on a besoin. Ben oui, mais qu'on ne mange pas. Plus besoin de manger, plus besoin de dormir. Bon, plus besoin de boire. Puis encore là, c'est bien plus que ça, c'est bien mieux que ça. Alors, être divin, ce n'est pas de laisser exprimer des désirs à l'intérieur, ce sont des copies qu'on forme, ça, de choses qui ont été altérées par l'expérience humaine depuis des millions d'années qu'il vit sur le plan planétaire. Et depuis 4,5 milliards d'années qu'il est en train de créer les tendances d'expression dans la forme, donc dans la matière. Être divin, ce n'est pas ça. Et dans la danse qu'on a ici, par exemple, eh bien, c'est ça qui ça fait partie des choses à un moment donné qu'on doit arriver à décoder. Puis, mettons, je dis, l'humain est manipulé. La personne peut dire, oh, ça n'a aucun sens. Mais non, je ne dis pas de me croire, je dis simplement d'observer. Tu sais, on achète un billet de loterie pour perdre. C'est pour ça qu'on perd. Donc, on gagne, on manipule notre vie. Tu sais. Comme je dis souvent, on a le nez qu'on voulait. Hein? Bon. On a les boutons qu'on voulait, on a les corps physiques qu'on veut. Sans ça, ce qu'on peut se dire par ego. Ce qu'on peut se dire par ego, ça va être simplement, justement, « Oui, mais c'est peut-être ça au fin fond de moi, il y a peut-être des ci, il y a peut-être des ça. Avez-vous voulu être tout croche? Non. » Mais en partant là, on n'a pas plus de libre-arbitre. Comme je dis souvent aux personnes, « pourquoi tu aimes les bananes? » Mais parce que j'aime ça. T'as-tu choisi d'aimer les bananes? Et non. L'humain n'a pas choisi dès le départ qu'est-ce qu'il serait. Il n'a même pas choisi qu'est-ce qu'il ferait, qu'il aimerait quoi ou qu'il détesterait quoi. Il ne choisit rien l'humain. L'intelligence de l'homme va finir par transcender ça et arriver à créer quelque chose d'autre ailleurs qui va finir par nous purifier en dedans. La pensée, encore une fois, une personne va dire « Ben voyons donc, crime, c'est moi qui pense, je ne suis pas une folle. » Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Observez-vous simplement. Contrôlez-la comme vous voulez votre pensée, sans mettre d'énergie. Mon bras là, c'est moi qui le contrôle. Je veux l'élever, je le lève. Je veux le baisser, je le baisse. Et ça ne me demande pas d'énergie. Un million de fois, il n'est pas parti pour ça. OK. Mais la pensée, à chaque fois que je veux que je contrôle ma pensée, alors je prends un excrément humain, un étron, je le place dans une assiette sur ma table de cuisine, je m'assois relax, puis je médite pendant une heure en le regardant. Là, oui, je contrôle ma pensée. C'est arrivé à le faire. Oui. Et quelqu'un qui le fait, il va dire, après une grande pratique, je contrôle ma pensée. Et je vais dire, parfait, tu contrôles ta pensée et on contrôle toujours ce qu'on n'est pas. OK? Moi, j'ai développé ce que j'étais. je n'ai plus de pensée. Je n'ai jamais appris à la contrôler, je n'en ai plus. J'en suis libre. Je parle, je sais. Alors que l'autre, maintenant, il peut se vanter de contrôler, mais c'est pas ça. Je contrôle mes ennemis. Félicitations. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Je sais bien que ça n'a pas de mérite, mais c'est comme ça. Tu as dit que dans les prochains mois, tu initierais les individus qui travaillent avec toi. S'agit-il des chefs? Cette initiation se fera-t-elle dans les prochains mois? Eh oui. Sera-t-elle faite par toi? Il y en a qui ont peur. Sera-t-elle faite par toi? Quelle forme prendra-t-elle? Encore une fois, je ne peux pas trop en parler, pour la simple raison qu'il y a des chefs ici dans la salle, alors ce qui fait qu'il ne faut pas tout se dire. Bon. Mais c'est une initiation de désinhibition qui est extrêmement facile, plaisante, douce et souffrante. C'est ça. À la vôtre. Oui. Oui, c'est ça, c'est déjà commencé un petit peu pour certains et certaines, mais dans les mois à venir, ça va être bien, ça va être intéressant. Et je leur ai dit, de toute façon, ils n'avaient pas le choix, ce qu'ils devaient le faire, parce que s'ils ne le faisaient pas, ben, ils mourraient tous, alors là, c'est... T'as le tour de présenter ça. Non, mais c'est pas l'évolution de tout le monde, là. Quand eux autres vont l'avoir, en fait, c'est plus facile pour ceux qui vont suivre après. C'est toujours comme ça. Il y en a un qui passe, c'est plus facile pour les autres. Il y en a d'autres qui passent, c'est encore plus facile pour eux autres. Puis c'est comme un bulldozer qui ouvre le chemin. Mais quand il y en a 4-5 qui sont passés, ben le chemin est plus facile à passer. Après ça, on met des petites bebelles pour boucher les petits trous. Puis finalement, on met de l'asphalte. Puis finalement, on l'entretient, tu sais. On n'est pas au Québec, là. Bon. Et puis, le chemin devient. Ça va bien. Mais c'est ça, il y a des personnes qui doivent bouger un peu. Puis qui vont bouger un peu. Puis il y en a qui ont peur pour rien. Parce qu'il y en a qui se pensent médiocres. C'est une farce, hein? Mais plus ils sont grands, plus ils ont hâte, plus ils sont petits, plus ils ont peur. C'est une question de projection. Chez Provigo, en attendant à la caisse, une femme disait qu'elle n'aimait pas Céline Dion parce qu'elle la trouvait fraîche. Pourtant, ils se vantent les produits Marc Frais dessus. Mais c'est ça, là, je l'ai dit. Déjà, je trouvais ce mot inajusté, puisque être frais devait être une qualité. Hein? L'autre femme, elle disait qu'elle aimait Céline. J'avais du mal à ne pas juger l'autre en disant qu'elle-même devait projeter ce qu'elle était. Est-ce toujours de la projection qu'on fait ou si énergétiquement réchauffé, on peut voir ce qu'on n'est pas chez nous? Bon, ce qui est très important, c'est ça. C'est qu'une fois réchauffé énergétiquement, c'est évident, à un moment donné, vous allez constater que telle personne a telle problématique. Ça ne veut pas dire que vous l'avez. Ça veut dire que vous êtes branché. Mais ce qu'il faut qu'on regarde, c'est astralement parlant, c'est ce que ça me dérange de voir que l'autre là-bas a telle chose. Mais si ça me dérange de voir que telle chose, probablement que je l'ai aussi, puis mon ego s'irrite que je le vois, parce qu'il a peur que je finisse par le voir chez moi. Mais si je suis limpide et je dis, écoute Charles, ou telle personne, tel problème, puis c'est comme ça, je l'ai pas. Mais si ça mérite le moindrement, soyons transparents avec nous-mêmes. C'est la seule façon d'arriver à s'en sortir de façon allègrement. C'est l'évolution joyeuse, hein, plutôt l'évolution martyrisante. Ben, c'est de pas se mentir. Alors, si ça mérite le moindrement, il faudrait que je cesse de regarder l'autre. Je suis pas en me demander, moi, qu'est-ce que j'ai chez moi. Faut qu'on t'aide une vision. Compte quelque chose, là, qui... La conférence de vendredi prochain, 1er mars, ma première rencontre avec des guides...